إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الله سبحانه وتعالى a ordonné dans son noble livre à ses serviteurs croyants de dépenser des biens qu'il leur avait attribués. Il a dit subhanahu wa ta'ala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Ô vous qui croyez, dépensez des biens que nous vous avons attribués. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de dépenser de leurs biens. Et il leur rappelle en plus de cela que ces biens, c'est lui qui leur a attribué subhanahu wa ta'ala. Donc il ne leur ordonne pas une chose qui est difficile pour eux, car c'est lui subhanahu wa ta'ala qui leur a accordé ses biens, puis il leur a ordonné d'en dépenser sur son sentier subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Le fait de dépenser de ses biens et de sa subsistance licite sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala fait donc partie des meilleures adorations. En effet, de la même manière que l'adoration a lieu avec le corps, comme lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu accomplis le pèlerinage, elle a également lieu avec les biens, lorsque tu fais des aumônes. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'adoration par les biens un des piliers de l'islam, qui est la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc fait de la zakat obligatoire, un des piliers de l'islam. Et il a également imposé à ses serviteurs certaines formes d'aumônes lors des expiations, comme l'expiation du serment ou d'autres expiations encore qui ont lieu par l'aumône. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs des aumônes surérogatoires qui consistent à dépenser de tes biens sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala en plus de la zakat obligatoire. Et le fait de dépenser de tes biens dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie des plus nobles œuvres. Car le profit de l'aumône, il ne se restreint pas à ta propre personne, mais il profite également à autre que toi parmi ceux pour qui tu dépenses tes biens. Il convient donc aux musulmans d'avoir conscience de cela et qu'ils donnent de ses biens ce qui lui incombe, comme la zakat obligatoire, et en plus de cela, qu'ils fassent des aumônes surérogatoires. Et tu ne dois pas priver ta propre personne, surtout durant ce noble mois, le mois béni de Ramadan. Et tu ne dois mépriser aucune aumône, aussi minime soit-elle, car Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il sauve un de ses serviteurs du feu par une simple moitié de date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « Protégez-vous du feu, mettez-vous à l'abri du feu, même si ce n'est qu'avec la moitié d'une date. » Tu ne dois donc pas mépriser ton aumône, aussi minime soit-elle. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Et si vous ne la trouvez pas, alors par une bonne parole. » Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte donc de son serviteur croyant l'aumône qu'il fait sur son sentier. Tu ne dois donc pas négliger ni mépriser la moindre aumône que tu fais sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la petite aumône que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala la décuple jusqu'à ce qu'elle soit semblable à une montagne immense. Donc ceci n'est pas négligeable. Alors que dire de celui qui dépense beaucoup de ses biens sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Avec l'argent, on peut construire des mosquées. Avec l'argent, on peut construire des centres, des instituts et des écoles pour enseigner l'islam. Avec l'argent, on peut propager le bien en imprimant des livres, en imprimant des dépliants. Avec l'argent, on peut construire des orphelinats, creuser des puits, nourrir des besogneux, des gens qui sont dans le besoin, ainsi que d'autres nombreuses œuvres qui peuvent être accomplies avec cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Donc, le bien de l'aumône, il est abondant. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de sa subsistance, il ne doit pas priver sa personne de ce bien. Mais il doit dépenser de ses biens dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ » L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah étale l'exemple d'un grain. « كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ » L'exemple d'un grain à partir duquel ont poussé sept épis. « فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ » Et sur chaque épi, il y a 100 grains. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allah multiplie la récompense à qui il veut. Sa grâce est immense et il est omniscient. Donc le serviteur, lorsqu'il fait une aumône, il ne doit pas désespérer de la miséricorde et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi petite soit l'aumône que tu fais, selon tes capacités, alors tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier la récompense de cette aumône. Regarde dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il compare ceux qui dépensent de leurs biens sur son sentier à un grain. Le grain que tu plantes dans cette terre, à partir de ce grain, il pousse 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 grains. Combien ça fait de grains? 700 grains. À partir d'un seul grain, Allah subhanahu wa ta'ala fait décupler ta récompense jusqu'à 700. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est donc immense. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le généreux. À partir d'un simple grain, d'une simple aumône, il la décuple jusqu'à 700, jusqu'à ce qu'elle soit semblable à une montagne immense. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent faire une aumône, ils vont chercher des nécessiteux à l'autre bout du monde. Alors que parfois, il y a parmi leurs proches des gens qui sont dans le besoin. Ces gens-là, ils sont donc prioritaires pour que tu leur donnes ton aumône. Car en plus de ça, l'aumône, si tu l'as fait à un de tes proches qui est dans le besoin, elle est meilleure et plus méritoire que l'aumône que tu fais à autre que lui. Car l'aumône que tu fais à un proche dans le besoin, c'est une aumône et également, c'est un moyen d'entretenir les liens de parenté. Il y a donc deux récompenses en celle-ci. La récompense de l'aumône, la récompense de sadaqa et la récompense de sila, la récompense de l'entretien et du maintien du lien de parenté. Il ne faut pas être insouciant vis-à-vis de cela et ne pas négliger ses proches. Également, il est important de savoir que la dépense sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe plusieurs choses. Et parmi ces choses, elle englobe la dépense de l'homme pour sa propre personne, les dépenses qu'il fait pour lui-même. Également, elle englobe la dépense qu'il fait pour son épouse, les dépenses qu'il fait pour ses enfants et les dépenses qu'il fait pour les gens de sa maison. Et il y a dans cela une récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu ne dois pas mépriser ces dépenses que tu fais pour ton foyer, ces dépenses que tu fais pour ton épouse, ces dépenses que tu fais pour tes enfants et pour tes proches, pour tes parents ou autres, car il y a en cela des récompenses immenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a une bonne attention en cela. Si elles sont faites à partir de bons revenus, avec une bonne intention, alors il y a un grand bien en cela et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. L'homme, il ne doit donc pas se laisser dominer par l'amour de l'argent. Et il ne doit pas se laisser dominer par l'avarice. Et il ne doit pas priver sa propre personne de cet argent. Car cet argent que tu as entre les mains, cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé et qu'il t'a donné en subsistance, c'est en réalité une occasion immense pour toi afin que tu le donnes en aumône et que tu l'avances pour ta propre personne. Car ces biens que tu dépenses en aumône, ce sera toi le premier à en profiter en réalité. Quant à celui qui prive sa personne de l'aumône et qui ne donne pas ses biens en aumône, qui le réunit et qui rassemble cet argent, alors il doit se rappeler qu'il va mourir et qu'il va délaisser cet argent. En effet, tu vas quitter ce bas monde et cet argent, si tu le laisses, il ne te sera pas profitable. C'est d'autres personnes qui vont venir après toi et qui vont prendre ses biens et qui vont profiter de cet argent. Donc, le fait de réunir cet argent, il ne t'aura apporté que fatigue, et en plus de cela, tu auras des comptes à rendre vis-à-vis de celui-ci. Donc pourquoi priver ta propre personne alors que tu es encore vivant? Pourquoi réunis-tu ces biens de ce bas monde, ces biens éphémères? Tu dois te rappeler que tu es mortel, que tu ne vas pas rester éternellement dans ce bas monde. et que rien ne te profitera de cet argent après ta mort, si ce n'est ce que tu as avancé pour ta propre personne, et ce avant de mourir. En effet, l'aumône que tu fais, elle te profite après ta mort, surtout si c'est une aumône qui est continue. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, c'est-à-dire que tu es ici-bas pour multiplier les œuvres pieuses. Mais une fois que tu es mort, tes œuvres s'interrompent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à l'exception de trois, une aumône continue, une science dont on profite et un enfant pieux qui invoque en ta faveur. Donc parmi ces trois choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné quoi ? L'aumône continue. Si tu as dépensé des biens pour construire une mosquée, si tu as dépensé de ton argent pour construire un institut dans lequel les gens se rendent pour apprendre la science, si tu as dépensé ton argent pour creuser des puits desquels les gens s'abreuvent, si tu as dépensé ton argent pour construire une école, un hôpital, un orphelinat ou autre chose dont les gens vont profiter après ta mort, alors à chaque fois qu'ils profitent de cela, tu en obtiens la récompense alors que tu te trouves dans ta tombe. Le musulman ne doit donc pas négliger cela. Également, parmi les choses importantes liées à l'aumône, le musulman doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bon et qu'il n'accepte que ce qui est bon. Tu ne dois donc pas donner en aumône de l'argent qui est illicite, qui est obtenu de manière illicite et interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tu ne dois pas donner en aumône de l'argent qui est mauvais, car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas cela de ses serviteurs. Donc, l'argent qui est méprisable, qui est peu profitable pour celui à qui tu le donnes, tu ne dois pas le donner en aumône. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense, alors que vous-même, vous ne l'accepteriez pas si ce n'est en fermant les yeux. Ce qui est visé dans ce verset par Al-Khabith, ce n'est pas les choses interdites, mais ce sont les choses qui sont méprisables, que la personne ne désire pas. Comme par exemple une personne qui a une nourriture, mais qui n'est pas appétissante, il ne désire pas la manger. Il va, il la donne en aumône. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a interdit cela. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Il y a des personnes qui ne donnent en aumône que les choses qui ne leur sont plus d'aucune utilité. Par exemple, il a des vêtements, il voit qu'il est déchiré, il voit qu'il est troué, qu'il ne peut plus le mettre, ou alors qui peut être utile que pour une courte durée, il va, il le donne en aumône. Également la nourriture. Dès qu'il voit qu'il n'en a plus envie, elle va bientôt périmer, elle n'est plus appétissante, les âmes ne la désirent plus, il va, il la donne en aumône. Ceci, ce n'est pas une aumône en réalité. C'est une manière de te débarrasser d'une chose qui ne t'est plus utile. Et ceci n'est d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » Vous n'atteindrez la piété qu'en dépensant de quoi ? De ce que vous aimez, de ce que vous désirez. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en décrivant ses serviteurs vertueux et en décrivant les œuvres qui les conduisent au paradis. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils offrent la nourriture malgré qu'ils l'aiment aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est-à-dire qu'ils donnent en aumône la nourriture qu'ils désirent pour eux-mêmes, celle qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Mais ils font prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'amour de leur propre personne. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Vous n'atteindrez la piété que si vous dépensez de ce que vous aimez. Et vous ne donnez pas une chose sans qu'Allah en ait pleine connaissance. Subhanahu wa ta'ala. Il convient donc à l'homme, lorsqu'il souhaite donner une aumône, qu'il donne une chose qui est profitable, qu'il donne une chose qui est utile. Il doit veiller à donner en aumône ce qu'il aime pour sa propre personne. Si tu donnes en aumône ce que tu aimes pour toi-même, alors ceci est une preuve de ta foi. Ceci est une preuve que tu as fait prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le désir de ta propre personne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des Ansar, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ils préfèrent donner aux autres qu'à eux-mêmes, même si c'est la pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Le musulman, il doit donc être conscient de cela et ne pas avoir peur de donner ses biens en aumône. Et il doit s'empresser de donner ses biens avant sa mort, car après la mort, il regrettera. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Je demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter et de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.